Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science Publique, Michel Alberganti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment l'hypnose agit-elle sur le cerveau ? Pour cette dernière émission de Sciences Publiques de la saison, nous avons voulu revenir sur l'un des sujets les plus fascinants que nous ayons abordés. Il s'agit de l'hypnose, une pratique aussi banale que mystérieuse, aussi puissante que méconnue. Une pratique qui remonte, du moins en ce qui concerne l'invention du terme, au médecin écossais John Braid en 1843. En France, c'est Jean-Martin Charcot qui développe l'hypnose à l'école de la Salpêtrière, où l'un de ses élèves n'est autre que Sigmund Freud. Le principal paradoxe de l'hypnose est sans doute d'être à l'origine de la psychanalyse et d'en être également la victime. En effet, il semble que l'hypnose a pratiquement disparu en France pendant une bonne partie du XXe siècle. Il faut attendre le psychiatre et psychologue américain Milton Erickson pour que la pratique connaisse un renouveau. En France, une vague de formation à l'hypnose réapparaît dans les années 1980, juste après le décès de Milton Erickson. Néanmoins, encore aujourd'hui, il semble qu'un malaise persiste autour de cette thérapie. Pour preuve, le faible nombre de travaux de recherche au sujet de l'action de l'hypnose sur le cerveau, malgré le développement de l'imagerie IRM. La situation n'est pas exactement la même à l'étranger. Ainsi, en Belgique et au Canada, l'hypnose est un objet d'étude plus développé et nous allons en parler avec nos invités afin de mieux comprendre la situation de l'hypnose en France. Mais nous voulons également aller plus loin dans cette émission. Face à un phénomène aussi étrange que l'hypnose, il nous a paru nécessaire d'aller au-delà du simple discours indirect, d'autant que les définitions de l'hypnose sont loin d'être satisfaisantes. La définition que l'on rencontre le plus souvent désigne l'hypnose comme un état modifié de conscience. Trois mots, dont deux au moins, manque terriblement de précision. Si l'on admet que l'hypnose met le sujet dans un état particulier, il est bien difficile de comprendre en quoi il est modifié et surtout ce que signifie la conscience dont il est question dans cette définition. Les spécialistes de l'hypnose eux-mêmes reconnaissent une difficulté particulière pour communiquer sur cette notion. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas rester au stade de la pure description. Quand je vous dis « nous », je parle de Marie Dalquier qui prépare Sciences Publiques chaque semaine avec moi. Et Marie, qui est la première, a fait l'expérience de l'hypnose après avoir découvert un praticien, François Roustan. Mais elle nous en parlera dans quelques instants. De mon côté, j'ai rencontré l'un de nos invités d'aujourd'hui, Jean-Marc Benayem, à qui j'ai demandé s'il acceptait que je fasse avec lui l'expérience d'une séance d'hypnose. Il a très gentiment accepté et cette séance s'est déroulée le 15 juin dernier. Ainsi, au cours de cette émission, Marie Dalquier et moi allons tenter de vous faire partager ce qui s'est produit pour nous lors des séances d'hypnose auxquelles nous avons participé. Et nous allons bien entendu échanger à ce sujet avec nos deux invités, Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute. Jean-Marc Benayem a créé le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière. Praticien attaché dans des centres de traitement de la douleur à Paris, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est intitulé « Le guide de l'hypnose » et qui vient d'être édité aux éditions InPress. Nous l'avions reçu dans Sciences Publiques en 2009, lors d'une émission consacrée aux opérations chirurgicales réalisées sous hypnose. Nous recevons également Marcel Châtel, ancien chef de service de neurologie du CHU de Nice, hypnothérapeute à la Pitié-Salpêtrière en psychiatrie adulte. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Jean-Marc Benayem, bonjour. Bonjour. Alors avant d'aborder ce qui se produit dans le cerveau lors d'une séance d'hypnose, peut-être faut-il revenir un instant sur la définition de ce terme. J'ai abordé déjà cette question délicate. Peut-on aller plus loin que l'état modifié de conscience dont on parle souvent ? Oui, c'est vrai que la formule état modifié de conscience n'est pas très explicative. Et on pourrait donner peut-être plusieurs définitions et à la fin, on trouvera peut-être le moyen de les rassembler. Alors, pêle-mêle, on pourrait dire. Cela permet de changer, de modifier des perceptions, d'assouplir la façon d'être au monde pour que la personne s'adapte à la réalité, remettre en mouvement là où la personne était immobile, passer d'une perception restreinte à une perception élargie, quitter le contrôle et l'intellect pour rejoindre une sensorialité, c'est-à-dire une présence sensorielle au moment présent. On a déjà là beaucoup de moyens de comprendre ce phénomène. On va essayer de les concrétiser, ces définitions. Marcel Chatel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes neurologue, neuropsychiatre. Quel est votre regard sur cette hypnose que vous pratiquez depuis maintenant une dizaine d'années? Absolument. Mon regard, je rejoins la définition que vient de donner Jean-Marc Benahem, avec un point de quand même particulier, parce que c'est le point du neurologue. L'état de conscience, ça se définit assez bien. La conscience dont on parle là, ce n'est pas la vigilance, ce n'est pas l'éveil qui nous permettrait dans le cadre des troubles comme le sommeil ou comme le coma. On n'est pas dans cet ordre-là, on n'est pas dans la vigilance, on est dans la conscience de soi-même. On est dans, on pourrait dire, une méta-conscience, c'est-à-dire la notion de « je suis ». Et je vis telle chose, je vis telle émotion, tel sentiment, telle pensée, telle perception. Donc c'est la conscience que l'on a de soi-même, avec plusieurs niveaux à l'intérieur de cette conscience. Et quand on parle d'état modifié, précisément, c'est là où les choses sont intéressantes et où l'hypnose intervient. Ce n'est pas un état altéré de conscience. Et ce n'est pas un sommeil. Et si l'hypnose a son nom, ça vient, comme tout le monde le sait, de hypnos, le dieu grec du sommeil, qui a donné naissance à l'hypnose, pour la raison que les personnes qui vont être en hypnose vont se présenter physiquement avec les symptômes du sommeil. Donc ils ne sont pas dans l'état de conscience normal, mais ils en sont en hypervigilance et en pleine vigilance. Et cela se rapproche, et d'ailleurs on en parlera certainement, des états aussi méditatifs ou des états même de prière. On est dans le cadre d'une modification de conscience qui est modifiée mais reste consciente. Et l'autre point qui est tout à fait important, c'est que dans cet état il est inductible. Il n'est pas naturel, il peut être naturel dans certaines circonstances, mais ce serait des circonstances collectives. Mais il est inductible. Et cette induction, il y a donc un environnement qui va créer l'état de conscience modifié. Il est modifié dans un contexte, et il est modifié en plus, ça, le critère est fondamental, dans une interrelation. Alors, bien sûr, il y a l'auto-hypnose, mais l'auto-hypnose n'est pas l'élément qui vient naturellement. On ne se met pas naturellement en auto-hypnose. Quand on a appris l'hétéro-hypnose, on peut disposer des moyens de rentrer en auto-hypnose, donc de rentrer dans cet état de conscience modifié. Mais cet état de conscience modifié est un état induit, interrelationnel, et qui permet d'avoir un accès particulier à la suggestion. Et c'est là où on est très très proche, et vous avez repris tout à l'heure un élément de l'histoire et le moment où apparaît le nom de l'hypnose, on est très très proche de toute cette partie du 19e siècle où il s'agissait de l'introspection. On est proche de l'introspection. Ce n'est pas l'introspection pure, autonome, mais c'est une introspection qui va être dirigée dans un cadre relationnel et qui va vous offrir la possibilité du changement, du mouvement, par l'intermédiaire de suggestions que va pratiquer et va utiliser l'hypnothérapeute. Alors, voilà une brillante analyse. Je ne suis pas certain qu'elle clarifie complètement la question. En particulier, pour vous, la conscience est peut-être quelque chose de très clair. Pour la plupart des gens, savoir dans quel état de conscience ils sont à un instant donné est probablement délicat et n'est pas une notion à laquelle ils sont habitués. Prenons un exemple simple. Vous m'adressez la parole. Cette parole est le fait. Mais vous pensez que vous m'adressez la parole, c'est le deuxième niveau de conscience. Mais vous pouvez penser que vous m'adressez la parole, c'est le troisième niveau de conscience. Et donc ce sont sur ces niveaux de conscience que l'induction hypnotique va changer précisément l'état. Et le terme état n'est pas du tout un terme non défini. Pour le neurologue et le neuroscientifique, l'état se définit par simplement, alors là c'est une définition extrêmement claire, le sentiment personnel que l'on a, l'impression personnelle d'analyse de son état mental que l'on a, corrélé avec des données objectives neurophysiologiques. Donc c'est ça. Il y a deux. L'état, c'est cela. Donc l'état de conscience, il y a la modification subjective, mais elle est corrélée à des données neurophysiologiques. Et on arrive à une définition qui est celle de l'Association de psychologie américaine publiée en janvier 2015. Donc j'ai très raison. C'est tout à fait récent. Jean-Marc Benayem, est-ce que pour vous cette définition correspond à votre pratique déjà ? Peut-être qu'on peut rentrer déjà dans la pratique elle-même, telle oui. que vous pouvez la décrire. Une oui, séance d'hypnose, oui. qu'est-ce que c'est ? Vous avez raison. Peut-être à travers la description d'une séance, on pourrait reprendre certains de ces éléments. Ce serait d'une certaine manière, pour bien des situations, faire en sorte que la personne soit présente à son corps, soit présente là, dans le fauteuil, ne soit pas présente ni dans le passé, ni dans le mental, ni dans l'avenir, ni dans l'anticipation, ni, comme on dit, cérébrale. Donc, d'une certaine manière, cela voudrait dire que nous sommes souvent absents. Parce qu'on a des choses à réfléchir, à penser, à prévoir, à contrôler, à maîtriser. Et c'est cette absence qui nous empêche de résoudre des problèmes. Et l'induction d'hypnose, ce serait d'être vraiment présent, c'est-à-dire au corps, à la réalité, de façon à résoudre quelque chose d'où on était absent. Cette présence, donc, est une condition qui vous paraît très nécessaire. Et ensuite, vous utilisez, et Marcel Chatel l'a utilisé également, le terme d'induction, qui vous paraît effectivement très naturel. Cette étape peut être tout à fait naturelle. Tout naturellement, nous passons, par exemple, nous nous promenons devant un bord de mer, devant un beau tableau, et nous changeons d'état. Nous sommes dans un état de maîtrise, de contrôle. Voyons, il y a du monde, est-ce que j'ai pris la bonne salle, etc. Et puis enfin, lorsque nous nous trouvons devant cette toile, pour pouvoir en dire quelque chose, la ressentir et éventuellement donner un avis, nous devons changer, c'est-à-dire laisser tomber la maîtrise, le contrôle, la vigilance, et être présent à qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça vibre ? Est-ce que je ressens la chose ? Est-ce qu'il se passe quelque chose en moi qui fait que j'adhère ou que j'adhère pas ? C'est ce changement d'état qui est normalement automatique et qui, dans bien des pathologies, ne se fait pas. Et le thérapeute trouve des inductions pour que ce changement d'état puisse se faire et que la personne sorte d'une immobilité, d'une névrose, d'une obsession, d'une phobie, d'une douleur, d'une addiction. Donc vous pourriez accompagner des visiteurs d'une exposition pour les aider à apprécier les tableaux qui se succèdent devant leurs yeux. Et exactement, et s'ils ne les apprécient pas, c'est que, bon, ça peut être parfois des expositions qui ne sont pas si intéressantes, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on est absent. Et qu'on dit, bon, à quelle heure ça ferme, tu as pensé à inviter un tel, tu as réservé le restaurant. Et en quelque sorte, on n'est pas du tout dans l'état de se laisser ressentir l'œuvre d'art et d'entrer dans le même état que l'artiste qui a créé son œuvre. Marcel Chatel, cette association entre conscience et présence Non, mais je rejoins totalement et je pense qu'à travers nos deux interventions, je pense que vous saisissez pratiquement ce qui était représenté dans une très jolie couverture, une première de la revue Cortex, c'était je pense en 2013, où il y a en première de couverture, d'une part, une image du pendule de Chevreul qui était ce pendule que la personne, on est au début du 19e siècle, présentait pour entrer en hypnose, pour avoir cette induction hypnotique. Et en arrière-fond, il y avait des images d'IRM fonctionnelles qui montrent effectivement les modifications cérébrales imagées que l'on peut voir à la suite de l'induction d'hypnose. Et puis au milieu, il y a la partie clinique. Et quand on parle de la partie clinique, telle que le fait Jean-Marc Benahem de façon tout à fait exacte et correcte, on est dans autre chose. Entre la partie qui est vraiment de l'ordre de la neurophysiologie, la partie qui est de l'ordre de l'expérience clinique, elles se rejoignent forcément quelque part. Mais nous sommes dans cet entre-deux, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est le gouffre explicatif que l'on retrouve dans tous les problèmes de lien entre le cerveau et la pensée. On va revenir sur l'état du cerveau lui-même, mais par exemple pour justement aborder chacune des images qui sont associées à l'hypnose, peut-être dans l'esprit des auditeurs, Jean-Marc Benayem, vous n'avez pas de pendule ? Alors, non, je n'ai pas de pendule parce qu'on a trouvé des moyens moins musicaux d'induire. Mais le principe reste le même. C'est-à-dire, si l'on propose à la personne de fixer un point, si on lui propose d'écouter une voix monotone, si on lui propose d'écouter une musique un peu lancinante et ennuyeuse, eh bien, cet ennui de la fixation de l'immobilité finit par la désorienter. C'est-à-dire, on ne peut plus rester avec quelque chose d'aussi confusionnant. Et la personne, de ce fait, change d'état, c'est-à-dire elle lâche sa maîtrise, qui peut servir par ailleurs, pour rentrer dans ce processus de l'hypnose, c'est-à-dire assouplir quelque chose, les croyances, devenir pas sûr de rien. Et dans cette incertitude, elle peut trouver cette perception où elle est vraiment présente, où elle, en particulier, où le corps existe. Alors Marcel Châtel, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a pu l'observer? Est-ce qu'on a pu, grâce à l'IRM, rentrer dans la mécanique de l'hypnose? Grâce à l'IRM et surtout l'IRM fonctionnel qui donne des images des grands réseaux corticaux, oui effectivement depuis maintenant 10 ans. À vrai dire, si on reprend de façon très brève l'histoire de l'hypnose, en France en particulier, il y a une grande zone silencieuse qui correspond à globalement la deuxième partie du XXe siècle. Et le renouveau vient d'une part de la pratique de l'hypnose par ce qui a été maintenu faiblement par certains, et en particulier par Léon Chertok, par Jean Gaudin, par François Roustan, par Jean-Marc Benahem, et puis une efflorescence qui se fait grâce à l'imagerie, parce que l'imagerie d'IRM permet actuellement de donner à l'hypnose un statut neurophysiologique réel. Donc, inévitablement, les réserves que l'on a autour du terme d'hypnose, autour de la pratique de l'hypnose, s'estompent, et ces images apparaissent une certaine tranquillité, une quiétude et en même temps la nécessité d'analyser de façon très méthodique et très scientifique ce qui se passe. Alors les images sont liées essentiellement à des images de ce qu'on appelle le connectome. Le connectome, c'est l'ensemble de l'organisation du cerveau avec les aires corticales qui sont la base de la neurologie, mais surtout c'est une nouvelle neuroanatomie qui met en relation des réseaux qui sont à l'origine de l'état de conscience. Et dans ces réseaux, je ne vais n'en parler que de deux, et ils sont les plus faciles, de trois qui sont les plus faciles à saisir. Un, les réseaux de l'attention, qui sont multiples, mais qui sont des réseaux de la convexité, pourrait-on dire, donc à la surface du cerveau. Le réseau de la ligne médiane, qui est le réseau par défaut, je vais vous en dire un mot, c'est le réseau qui a été mis en évidence par Bernard Mazoyer à Caen. C'est le premier qui, dans une unité, avec la caméra à positon, a mis en évidence que quand le cerveau est à l'état de repos, qu'il n'a aucune tâche précise, il y a cette partie médiane qui est centrée essentiellement sur les réflexions personnelles, le cerveau qui se promène sans finalité, qui est très active. Et c'est le réseau qui dit par défaut. Et puis il y a un troisième réseau qui est fondamental, qui s'appelle la science, c'est-à-dire la valeur des choses, qui est un réseau plus profond, qui est essentiellement, on peut dire, amygdalo-insulaire et strié, donc la profondeur du cerveau, qui analyse, qui fait une sorte de synthèse de ce qui est bon pour la personne. Donc entre ces trois réseaux, l'hypnose va, disons, les modifier. Ce que l'on voit, c'est pas la cause, on n'est pas sans doute à la bonne échelle, mais ce que l'on voit, c'est que l'induction hypnotique modifie l'équilibre de ces réseaux. Et que, on ne l'a pas encore dit, mais tout le monde n'a pas le même degré d'hypnotisabilité. Cette hypnotisabilité, cette capacité de rentrer en hypnose est distribuée dans la population comme tous les caractère de tout le monde, comme l'intelligence. Il y a, pour l'intelligence, un facteur général, on pourrait dire, de flexibilité. Pour l'hypnose, il y a le facteur général de suggestibilité. Quand vous observez ces différents réseaux, Jean-Marc Benahem, qu'est-ce que ça vous apprend? Est-ce que ça éclaire quelque chose dans votre relation avec les patients? Oui, il y a un élément qui est très fort que je peux reprendre, là, qui vient d'être exposé par Marcel Châtel. C'est que lorsqu'il y a en particulier une image, lorsqu'on ne fait rien, c'est curieusement à ce moment-là qu'il y a presque plus d'activation du cerveau de certaines zones et de nombreuses zones. C'est un contraste un peu caricatural, mais lorsque l'on agit, on aurait presque moins d'activation cérébrale que quand on ne fait rien. Et c'est intéressant pour nous parce que la proposition est fréquente pour l'hypnothérapeute de proposer à son patient de ne rien faire, c'est-à-dire de se placer et d'attendre de ressentir quelque chose. Et cette phase plutôt vide, plutôt immobile que l'on retrouve dans la méditation nous paraissait un peu curieuse et elle est illustrée par certains travaux sur le DMN qui montrent que, le DMN. Voilà, sur le default mode, voilà, dont on vient de parler. Et ce mode par défaut qui montre que quand on ne fait rien, eh bien, il y a davantage d'activation de nombreuses zones qui sont comme attentives à tout l'environnement. Et nous, ça nous intéresse parce que cela montre que l'hypnose, c'est la recherche d'une adaptation à la réalité vécue, à la réalité du moment où la personne fait appel à toutes ses ressources pour percevoir son environnement, pour sa survie et pour s'adapter. France Culture, Sciences Publiques. Michel Albergonti. Comment l'hypnose agit-elle sur le cerveau? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos invités. Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute, praticien attaché des centres de traitement de la douleur à Paris. Et Marcel Châtel, ancien chef de service de neurologie du CHU de Nice, hypnothérapeute à la Pitié-Salpêtrière en psychiatrie adulte. Alors, dans cette deuxième partie, nous entrons dans ce que nous avions préparé, Marie et moi, donc Marie Dalquier et moi, sur ce qu'on voulait apporter comme témoignage. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, où on est là comme témoin simplement de phénomènes ou d'expériences qui ont été menées par d'autres, dans le cas de l'hypnose, on a voulu aller un petit peu plus loin parce qu'on nous semble que cette pratique mérite que l'on en fasse l'expérience. Et le mouvement a été amorcé par Marie Dalquier et c'est à la suite d'une discussion entre nous que nous avons décidé de faire cette émission et que nous avons décidé également d'apporter ce témoignage. Et donc je vais rendre donc à Marie cette première place puisque c'est elle qui a amorcé le phénomène en lui demandant de nous expliquer ce qui a pu la frapper lors de sa première rencontre avec l'hypnose. Donc c'était avec François Roustan, rencontré lors d'une émission. Alors moi ça fait maintenant un certain nombre d'années où j'ai commencé un chemin personnel, spirituel et... C'est vrai que je me suis intéressée à plusieurs thérapies, donc plutôt autour de l'esprit, en passant par la psychologie, en voyant des psychanalystes, en voyant différentes thérapies de l'esprit. Et puis, je me suis sentie limitée dans ces thérapies parce que je trouvais que le corps n'était pas assez vivant et qu'il était oublié. Donc, je me suis orientée vers des thérapies plus corporelles, avec de l'ostéopathie, différentes ostéopathies, l'ostéopathie crânio-faciale. Voilà, je suis allée aussi vers des techniques de méditation et autres, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un florilège de techniques thérapeutiques pour le corps et l'esprit. Et en fait, j'étais aussi limitée dans ces thérapies par le corps parce que justement, parfois, l'esprit n'était pas là non plus. C'est-à-dire que j'étais en fait sur deux choses qui étaient séparées, qui étaient traitées, mais séparément. Et j'ai commencé à me dire, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui puisse prendre ces deux choses ensemble. Et je trouvais aussi que dans ces deux techniques, ces différentes techniques que j'avais testées, j'étais souvent limitée par le temps. C'est-à-dire que ce sont des techniques très longues, qui prennent du temps, qui demandent de la régularité. Et en fait, j'avais envie que les choses aillent plus vite. C'est-à-dire que effectivement, par le corps, je sentais bien, notamment avec l'ostéopathie, qu'au niveau des émotions, ça travaille. C'est un travail extrêmement fin. C'est vraiment, c'est sur les filaments que ça travaille, quoi. Ça travaille en douceur. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie que les choses bougent. Et on a surtout, moi, j'avais surtout envie de passer à l'action. Et j'avais toujours ce sentiment d'être dans le traitement. Et lors d'une émission avec François Roustan, aux Racines du Ciel, qui est passée le 21-10-2012, là, je me suis dit, c'est la nouvelle thérapie que je vais tester. Je vais tester l'hypnose, particulièrement parce qu'il l'aborde en... Le titre, à cette époque-là, c'était « Connaissance de soi et désintérêt de soi ». Et je pense que le problème que j'avais, c'est que je trouvais que l'ego était beaucoup trop au centre de toutes les thérapies en fait que j'avais essayées. Et justement, je pense que j'étais freinée par le passage à l'action parce qu'il y avait encore trop de place à l'ego et que j'étais encore trop centrée là-dessus dans ces thérapies-là. Donc j'ai demandé un rendez-vous avec François Roustan et je me suis présentée. Et puis la séance a commencé. Et voilà, on discute. Et puis à un moment, il me dit, ce que vous me dites, mais ressentez-le. Bon, j'étais assise en face de lui, sur un fauteuil. Et il me dit, ressentez-le. Et vous n'aviez pas les yeux fermés? Vous étiez en conversation. Il n'y avait pas de mise en scène particulière. C'était un échange. Et puis à un moment donné, il me demande de ressentir quelque chose. Il s'arrête sur quelque chose que je dis. Et il me demande de le ressentir. Et puis, moi, je ressens rien, quoi. Et puis, il insiste. Puis j'essaye d'intervenir, il insiste, etc. Puis, la séance se finit, et moi, je suis hyper déçue. Parce que je me dis, parce qu'en fait, je m'attendais au spectacle. Et je lui dis, Je lui dis, ben voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à l'hypnose. Ah, il me dit, ah, mais vous croyez au music hall. Vous pensiez que j'allais vous faire vous allonger, etc., que j'allais claquer des doigts. Et elle me dit, mais c'est pas ça, l'hypnose. Bon. Du coup, je repars. Je repars plutôt déçue. Et puis, en fait... En ayant donc la sensation qu'il ne s'est rien passé pendant cette séance. Qu'il ne s'est rien passé. Et puis, en fait, je dirais franchement qu'à peu près 30 minutes après, j'ai commencé à me rendre compte qu'il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, mon état était modifié. J'avais le sentiment que quelques paroles qu'il avait dites résonnaient, mais que surtout les miennes résonnaient. Et c'est comme si elles faisaient un travail sur moi, indépendamment de moi-même. De votre volonté. De ma volonté. Et donc là, tout de suite, je me suis dit qu'effectivement, il se passait quelque chose, mais je me suis dit, bon voilà, je laisse faire. Donc j'ai décidé de ne porter aucun jugement à ce qui se passait, en fait, et de laisser faire. Et je me suis dit, j'y retournerai, mais j'attendrai d'être prête. Donc j'ai attendu 3 mois, et puis j'y suis retournée, et là, j'ai commencé à faire de l'hypnose. Et effectivement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et surtout, j'ai vraiment ressenti une rapidité qui change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tellement rapide d'ailleurs qu'on ne se souvient presque pas de la séance et de tout ce qui s'est dit, parce qu'en fait, c'est comme si les choses n'avaient plus existé en nous. Donc, on n'a même plus le souvenir de l'acte qui a modifié la chose. Alors, peut-être une réaction à ce témoignage particulièrement fort, je trouve, oui, mais Jean-Marc Benayem. C'est très riche. C'est vrai que c'est une expérience tellement personnelle qu'il est difficile, nous, de l'extérieur, d'expliciter. On peut juste, comme ça, dire 2-3 choses. Dites-moi si c'est comme ça que ça a été vécu. Mais il y avait au début, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire peut-être un phénomène de maîtrise, d'attente. Or, voilà. Or, pour entrer dans l'hypnose, il ne faut rien attendre. Il ne faut pas avoir de préjugés. Il faut être complètement disponible. Et c'est ce qui a été quelques instants après, une fois qu'elle a lâché. Bon, alors j'attends rien. Ben non. Et hop, brusquement, l'expérience est arrivée. Donc, voilà quelque chose qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est que ça s'est produit donc après. En décalé. Hors de la présence de François Roussan, pour le coup. Oui, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement cliniquement. Quelques personnes sortent en disant je sais pas trop, peut-être, non, je m'attendais à autre chose. Et puis, ils nous appellent ou ils nous envoient d'autres patients en disant mais ça a été tout à fait radical, alors qu'ils sont partis avec un grand doute. Mais en même temps, ça ne nous étonne pas, puisque le doute et l'incertitude est exactement ce qu'on recherche, puisque la position toxique, c'était une position de certitude. C'est-à-dire, je veux maîtriser, je veux prévoir, je veux contrôler. Et donc, si on sort en étant un peu comme ça, bizarre, hésitant, je ne sais pas, à mon avis, il n'y a rien eu, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a changé de perception. Alors, François Roustan, dans cette émission dont parlait Marie Dalquier tout à l'heure, donnait-lui comme presque définition de l'hypnose la confusion. Il y a 2 étapes dans l'hypnose. Et effectivement, il faut passer par la confusion, mais c'est essentiellement une étape transitoire pour lâcher la maîtrise et les certitudes, ou bien l'espèce de rigidité qu'on aurait. Et ensuite, une fois qu'on s'est rendu souple, il peut arriver autre chose, c'est-à-dire je me rends sensible, hypersensible même, à l'environnement, qui est la position de l'artiste finalement, hypersensible pour pouvoir m'adapter à l'environnement. C'est la position de l'animal aussi, qui pour s'adapter doit être sensible à tout son environnement et pas à se regarder évidemment, mais à percevoir. Marcel Châtel, peut-être une réaction aussi au témoignage de Marie Dalquier. Une réaction d'une extrême prudence, parce que je remercie d'avoir, disons, la qualité de nous narrer cette expérience très, très sensible. 2 points. Je pense que l'attente était réelle. L'attente précise, non, mais elle était très demandeuse de quelque chose depuis longtemps. Et à la deuxième reprise, 3 mois plus tard, elle est toujours demandeuse. Et je pense que c'est essentiel pour que l'hypnose ait une action. Donc cette attente, elle crée le contexte, précisément. Et vous avez dit 2 points que je me permets de relever dans le cadre de mon système d'analyse, sans aucun doute trop orienté vers peut-être la structure neurologique, mais vous avez dit deux choses très très importantes, c'est-à-dire qu'après, être sorti une demi-heure après, les idées venaient de façon indépendante. Et là, c'est fondamental. L'hypnothérapeute ne fait pas de suggestion. La suggestion, c'est la personne qui le retrouve sans bien savoir d'où elle vient. Mais elle vient de façon... Et là, vous l'avez très très bien verbalisé. Vous avez dit, elle est bien le raisonnement indépendant de ma volonté. Ça, c'est une chose qui est très intéressante, qui montre que le travail qui s'effectue, à la fois, c'est l'autonomie de la personne, il n'y a pas d'intrusion extérieure, et en même temps, le travail se fait. Et puis, le dernier point, c'est qu'ensuite, il y a une sorte de douceur sur des choses qui nous semblaient ne pas avoir existé. Et là, c'est très intéressant comme témoignage d'une sorte de, disons, d'apaisement mnésique, de quiétude et d'épanouissement. Oui, absolument. Marie Dalquier. Et je rajouterais aussi que suite aux quelques séances que j'ai fait ensuite, deux, trois séances, j'ai commencé aussi moi-même, et parfois je me disais, mais je suis en état d'hypnose permanent. C'est-à-dire que, en fait, comme il y a eu véritablement, parfois j'avais l'impression d'avoir été reprogrammée, dont toute ma structure psychologique, les rapports humains, les relations humaines, les rapports de pouvoir, les rapports de soumission, enfin, qui sont les relations humaines en général, tout était remis à plat. Et en fait, je me suis sentie dans une forme de passivité. Et en fait, j'ai appris ce que c'était que la patience naturellement au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, je ne maîtrisais plus ce qui se passait parce que moi-même, je n'avais plus les mêmes réactions. Et donc, je ne créais plus les mêmes réactions chez les autres. Et ça a duré 6 mois. Et pendant 6 mois, il y a eu une remise à niveau de tout un tas de toutes mes relations, en fait, de toute ma structure psychologique. Et même pendant ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois passer? Est-ce que je dois être active? Parce que là, bon, voilà, le temps passe. Et puis non. J'avais toujours ce mot patience, patience, qui se répétait et à un moment donné, les choses sont parties. Et Jean-Marc Benayem. Oui, c'est encore d'autres points qui viennent d'être mis en évidence. Je pensais, en vous écoutant, à un patient qui était venu voir pour des maux de tête, des céphalées de tension. On fait une séance, oui, un peu mieux. À la deuxième, il revient et puis il me dit « J'ai décidé de ne plus punir mes enfants. J'étais trop sévère avec eux. » Alors je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mal de tête ?» Eh bien, il me dit « Si, ça doit avoir à faire parce que depuis que j'ai décidé de ne plus punir, j'ai moins mal à la tête. » Alors, donc, nous voyons que la modification, comme vous avez dit, elle est beaucoup plus large que le symptôme qu'on a éventuellement amené. Et c'est toute la personne qui trouve un nouveau contexte. Et pour reprendre ce qui a été dit par Marcel Châtel, c'est-à-dire un contexte qui n'est pas volontaire. Sinon, ça n'irait pas, ce serait encore du forçage. Alors, c'est donc une modification qui se fait naturellement. C'était la pathologie qui faisait qu'on était sous effort en permanence et le relâcher que vous avez ressenti pendant 6 mois, c'était laisser revenir quelque chose de naturel et c'est revenu. Ouais. Alors, je vais rajouter ma propre expérience à cette description qui déjà qui est très frappante, qui est très profonde. Donc, j'ai, moi, plus modestement, avec une seule séance, rencontré donc Jean-Marc Benayem, il y a une quinzaine de jours, et ce qui m'a frappé, puisque c'est ça qui est important aussi peut-être à décrire, c'est justement, ne m'attendant pas à quelque chose de précis, j'ai découvert que une séance d'hypnose, finalement, c'était assez différent d'ailleurs de ce que vient de raconter Marie Dalquier, ce qui prouve que les choses sont pas exactement les mêmes suivant les thérapeutes. Ça consistait effectivement à écouter quelqu'un qui parle, en étant assis et plutôt décontracté, même si moi ma décontraction était plutôt tendue parce que je suppose que j'étais en attente, en découverte de quelque chose, en incertitude par rapport à ce qui allait se passer. Donc la seule chose que m'a dite de faire Jean-Marc Benayem, c'est de fermer les yeux. Il m'a invité à le faire, ce que j'ai fait. Et ensuite, en gros, une séance telle que je l'ai vécue personnellement, c'est écouter une voix, celle du thérapeute, qui parle du problème que l'on a choisi de traiter, et qui, alors, vous parlez d'induction, probablement que c'est quelque chose qui est difficile à identifier chez soi. C'est-à-dire, ces paroles ont une action sur soi, mais dont on est incapable de donner une définition sur le moment, et dont on, simplement, qui n'a pas non plus une, quelque chose de, un aspect très concret au moment où on le ressent. On est simplement, moi je dirais très clairement, un peu, on est hyper concentré sur ce qui est dit. Il y a une très grande concentration qui est involontaire. Et dans les mots qui sont prononcés, il y en a un qui m'a frappé, c'est le mot « volonté ». Et justement, ça rejoint tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur l'absence de nécessité d'une volonté pour qu'il y ait une action sur soi. Moi, c'est la chose qui m'a le plus frappé. Ensuite, pour terminer le récit factuel, ça se termine par le fait d'ouvrir les yeux au bout de... Quand Jean-Marc Benayem a compté jusqu'à 5, mais de façon très lente et sans rupture, d'ailleurs. Sans rupture ni au départ, quand on ferme les yeux, et pas plus quand on les rouvre à la fin. Donc, une séance de je sais pas combien de temps, peut-être une trentaine de minutes, ou dans laquelle, moi, personnellement, je n'ai fait que écouter sa voix. Donc voilà pour ce qui est de mon propre témoignage, pour vous dire qu'ensuite, et ça rejoint peut-être ce que disait Marie Dalquier, les effets sont spectaculaires. Donc sur la question que j'étais venu régler, qui n'a pas d'importance en soi, mais qui renvoie à cette notion que Marie Dalquier donnait tout à l'heure de vitesse par rapport à d'autres thérapies, et de passage à l'action, c'est les deux choses que j'ai notées, moi, de mon côté, dans ce qu'elle a raconté, qui me paraissent caractériser peut-être l'hypnose par rapport à d'autres approches. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Benayem ou Marcel Châtel ? Oui, juste deux mots et je cède la parole. C'est vrai que l'idée n'est pas découvrez-vous vous-même, essayez de savoir plus qui vous êtes et d'où vous venez et quelle est votre enfance. C'est plutôt, il doit y avoir un endroit, un lieu où, comme dit François Roustan, on pourrait poser un levier. Le patient vient pour ça. Et on fait l'hypothèse qu'il y a un point d'appui où on va pouvoir poser le levier. Et si on le trouve, ce qui n'est pas toujours le cas, alors le levier étant posé, voilà, la séance d'hypnose elle-même, le point d'appui étant trouvé, le levier posé, ça bascule. C'est-à-dire il y a un passage où on est dans un autre monde, voilà, où on se laisse faire pour rejoindre sa position, pour rejoindre le corps, pour revenir dans une simplicité. Et évidemment, les mots sont un peu courts pour décrire cette expérience. Alors, François Roustan parle également de lâcher une barre à laquelle on serait accroché dans l'état normal de la vie courante. Et l'hypnose proposerait de lâcher cette barre et ensuite d'avoir la confiance dans qu'est-ce qui va se passer. En fait, c'est-à-dire il y a une nécessaire confiance dans ce qui va se produire. Marcel Châtel. Je pense que cela correspond, dans les paroles de François Roustan, je pense que ça correspond à une position très ericksonienne de se baser sur les ressources propres de la personne et de ses capacités, et donc de cet inconscient qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus positif, un inconscient positif et non pas un inconscient problématique. Et donc c'est rechercher effectivement au niveau de ses ressources et lever les barrières qui permettent d'y avoir accès. Et c'est là que j'ai noté que le terme d'induction était quelque chose qui posait problème. C'est peut-être un terme qui paraît venir de l'extérieur, car c'est vrai que cela vient de l'extérieur. Et c'est la parole régulière de Jean-Marc qui, lors de votre expérience, vous a permis de rentrer dans un autre niveau de conscience. Et là, ce sont les phénomènes. Je vous prie de m'excuser de revenir au niveau des neurosciences, mais c'est le même truc qu'on appelle de switch. C'est d'interruption qui font que de façon permanente dans notre vie, nous passons d'un état dans l'autre, et c'est également ce switch qui permet de rentrer, en dehors de l'hypnose, dans d'autres domaines comme la méditation. Le switch qui passe. Et ceci, c'est venant de la parole de l'extérieur qui permet de rentrer dans un autre niveau de conscience qui permet au levier dont parle Jean-Marc d'avoir l'influence potentielle, peut-être rapide, mais rétroactive ou synchrone, mais plutôt rétroactive dans les heures, les jours, les semaines, les mois qui suivent, sur le problème qui est posé. Donc le terme de levier est une image qui est extrêmement pertinente, mais l'essentiel, et ça c'est la qualité du thérapeute, c'est le point d'appui. C'est où poser ce levier. C'est le tourner voilà. Autour. Voilà. Mais avec ce que vous avez décrit là à l'instant, ça voudrait dire que la position toxique, la position d'un patient qui souffre d'une douleur chronique, d'une addiction, ça voudrait dire que cette position est une position où la personne est tendue, puisqu'il tient la barre, il est tendu, il est crispé, il est bien sûr anxieux, il est rempli de mille choses. Et donc la position pour guérir serait une position relâchée où il se vide. Et c'est cela qui, où la séance arrive, aboutit à une espèce de vide qui redonne de l'espace pour le mouvement. France Culture, Science Publique, Michel Alberganti. Comment l'hypnose agit-elle sur le cerveau? C'est la question que nous débattons aujourd'hui avec Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute, praticien attaché des centres de traitement de la douleur à Paris, et Marcel Châtel, ancien chef de service de neurologie du CHU de Nice, hypnothérapeute à la Pitié-Salpêtrière en psychiatrie adulte. Peut-être un mot de Marie Dalquier, qui est à la suite de toutes ces réactions sur son témoignage et le mien aussi. Ben moi, c'est vrai que dans l'hypnose, que je relèverais vraiment de particulier, et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que j'avais l'impression qu'on était dans la sphère de l'intime, en fait. Peut-être justement là où se réunissent le corps et l'esprit, et là où on est vraiment en soi, mais dans sa propre autonomie et dans sa propre liberté. Et voilà, et je me suis dit, mais finalement, l'hypnose, c'est la science de l'intimité. C'est-à-dire qu'elle est, on en fait notre propre science, notre propre thérapie, en fait. On devient acteur nous-mêmes, véritablement. Et on ne répond pas à des techniques ou à une méthode. On la trouve en soi. Et après, elle s'applique naturellement. Et ça m'a semblé être vraiment un sentiment très fort. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est ce sentiment aussi. Alors, moi, le premier mot qui m'est venu, c'est aussi que c'était l'anarchie. C'est-à-dire que l'hypnose, en fait, pour moi, c'est une forme d'anarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, justement, de morale. Il n'y a plus de structure sociale. En fait, on est libre. On est libre d'être ce qu'on veut, mais on est libre aussi de regarder ce qui nous entoure comme on le souhaite, comme on le désire. Et c'est vrai que dans les séances d'hypnose, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris à quel point la vie est un jeu et qu'en fait, on est dans un jeu de société et que, voilà, on fait partie du jeu. Et voilà, donc c'est les deux vraiment éléments que j'ai retenus de l'hypnose. Donc la vie est un jeu, J-E-U. J-E-U, absolument. C'est une bonne description, oui. Marcel Châtel ? Oui, c'est une excellente description. Et le terme d'anarchie est très fort. On retrouve la confusion aussi. Oui. Oui, confusion interne, mais en même temps, on retrouve, à travers ce que vous avez dit, la définition qu'on donnait tout à l'heure de l'auto-hypnose, qui, en fait, après l'expérience, permet à la personne de fonctionner en autonomie et d'être son propre thérapeute. Ça, c'est tout à fait bien. Jean-Marc Benayem. On retrouve les deux états qui sont vraiment très bien décrits. C'est-à-dire, et en plus, ça nous aide à confirmer que c'est bien quelque chose de physiologique. Il y a l'état où tout est organisé, ça c'est avant l'anarchie, tout est organisé, et heureusement que c'est organisé, où tout est clivé, séparé, déterminé, prévisible éventuellement, réfléchi, etc., maîtrisé comme on dit. Et on ne vivrait pas, ou alors on vivrait dans la névrose si on resterait tout le temps dans cet état, si on y restait. Et puis il y en a un autre où on veut bien accepter l'anarchie. Voilà, pas pour être complètement délirant, encore que c'est pas loin de cela. Et cette anarchie, c'est, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de morale, il n'y a plus... Mais pourquoi ça? Eh bien, pour pouvoir recomposer quelque chose, pour pouvoir ressentir qu'est-ce qui est important dans mon existence. Et nous allons sans arrêt dans ces deux pôles. On voit aussi que dans le développement de l'enfance, c'est comme ça que ça se passe, pour voir à quel point c'est physiologique. C'est-à-dire que le nourrisson, eh bien, c'est pas déterminé. Il sait pas encore dire ce qui est papa, ce qui est maman, c'est encore confus, tout est un peu mélangé. Et dans son développement naturel, il commence à cloisonner. Il sait quand c'est le jour, quand c'est la nuit, quand c'est papa, quand c'est maman. Et en vieillissant, si je puis dire, il maîtrise de plus en plus. Et notre équilibre, c'est de pouvoir retrouver cet état indéterminé de l'enfant ou du nourrisson, et qui a donc cette liberté de jouer, qu'on voit aussi chez l'artiste, bien sûr. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on trouve un équilibre. Comment vous définiriez l'hypnose par rapport à une autre approche ? Prenons un exemple au hasard, la psychothérapie. Oh, ben, je crois que toutes les psychothérapies sont allées prendre dans l'hypnose un élément, mais malheureusement un seul élément. Par exemple, on a dit, tiens, il me semble qu'il y a des émotions, comme faisait Mesmer, donc on va faire venir des émotions, ce qui n'est pas toujours vraiment bénéfique. Un autre va dire, ah ben moi j'ai trouvé que la fixation avec le MDR, qui est très à la mode en ce moment, de fixer un doigt qui bouge, ah mais c'est très inductif, ah ben oui. Donc chaque thérapie est allée prendre un élément. Ah ben l'image, l'hypnose nous permet à faire de l'imagination. Ah très bien, donc on va faire de l'immersion par imagination dans les TCC. Ah ça nous permet de visualiser le passé. Ah alors donc on va faire une analyse du passé. Chacun prend un peu et la toxicité c'est de ne prendre qu'un élément alors que c'est l'ensemble qui nous aide. Oui, tout à fait. Ça, Châtel. Il est classique de dire que l'hypnose est la mère de toutes les psychothérapies, et pour peu qu'on analyse les unes à côté de quelles qu'elles soient, y compris la psychanalyse. Et je pense qu'à ce niveau, François Rostand est exemplaire, car il est à la fois analyste, puis devenu hypnothérapeute. On se situe. Il a un peu abandonné, semble-t-il, la psychanalyse. Il l'a abandonné après l'avoir connu, mais considère que la psychanalyse se situe, je crois que je ne trahis pas sa pensée, je l'espère, en tout cas, dans le cadre d'une pratique de processus hypnotique, on pourrait dire au long cours. Donc, l'hypnose fait partie de toutes les psychothérapies, sans exception, et actuellement, les thérapies cognitivo-comportementales se lient à l'hypnose pour faire une thérapie mixte et cognitivo-comportementale hypnotique. Donc, elles se rejoignent. C'était les TCC dont vous parliez tout à l'heure. Mais il faudrait dire une chose tout de même, parce que nous avons centré notre débat sur la thérapie. L'hypnose, c'est beaucoup plus que ça. L'hypnose, c'est aussi toutes sortes de pathologies du corps et de l'esprit qui ne sont pas liées et qui ne relèvent pas de la psychothérapie. Les phénomènes de conversion, on a dit un mot de Charcot qui, effectivement, en France, marque l'entrée de l'hypnose dans sa notoriété par l'hystérie. Mais il y a la possibilité actuelle d'inverser le processus et, grâce à l'imagerie, précisément d'IRM fonctionnel, d'induire des symptômes qui reprennent les pathologies que les neurologues connaissent. On peut induire des phénomènes d'amnésie qui reprennent les processus d'amnésie psychogène. On peut provoquer des déficits moteurs, qui sont des déficits moteurs non organiques, mais d'origine psychogène. Et par l'intermédiaire de l'hypnose, arriver à commencer à mieux comprendre quel est le mécanisme de ce phénomène de conversion somatique. Donc c'est tout un autre domaine de l'hypnose qui ne traite pas de la psychothérapie, mais qui traite du fonctionnement précisément hypnotique, cérébral, à l'origine de manifestations neurologiques de diverses natures qui peuvent être aussi extrêmement troublantes, extrêmement... Vous voulez dire, c'est inverser le processus. On inverse le processus, c'est-à-dire qu'on utilise l'hypnose pour provoquer du symptôme, et par l'intermédiaire de ce que l'on peut enregistrer d'une part, et par l'intermédiaire de ce que l'on peut voir en IRM fonctionnel, on a des entrées dans la compréhension des processus qui sont présents chez les patients. Oui, effectivement, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut aussi peut-être caractériser les raisons pour lesquelles vous recevez des patients, Jean-Marc Benayem, c'est-à-dire pour quelles raisons les gens viennent vous consulter, quels sont les maux dont ils souffrent? On pourrait les schématiser, c'est-à-dire à chaque fois qu'une personne a un conflit avec son corps. Et ça donne quoi comme pathologie? Eh bien, des colopathies, des migraines, des céphalées, ou qu'elle a un conflit avec quelque chose qui l'environne. C'est-à-dire quelque chose qu'elle n'accepte pas, quelque chose qui est trop douloureux, trop de souffrance. À chaque fois qu'elle pose son attention sur un élément qui la fascine, qui la bloque, qui la terrorise, qui la fait souffrir, et que la personne ne peut plus s'en détacher. Donc, c'est les syndromes post-traumatiques, les céphalées, les douleurs chroniques, qu'est-ce que l'on voit souvent aussi, les addictions, bien entendu, les phobies, À chaque fois, vous remarquerez, c'est à chaque fois que la personne n'arrive plus à se déplacer de manière fluide d'un état à l'autre. d'un état de perception restreinte à un état de perception élargie. C'est à chaque fois que ce mouvement est entravé, et pour ça, de bonnes raisons. Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, par exemple. Eh bien, par exemple, je n'accepte pas la réalité. J'ai perdu une jambe dans un accident, dit un patient, et cette réalité est insupportable d'être handicapé ainsi, donc je ne vis plus. Et le thérapeute est là pour que la personne, d'une certaine manière, puisse adhérer à la réalité, parce qu'elle est là, malheureusement, et que la personne puisse dire, bon, ok, eh bien, je m'autorise à vivre à nouveau, malgré ce handicap. Voilà. Donc, il faut qu'il lui change le contexte. Le contexte précédent était inacceptable, tellement il y a de souffrance, de colère, de chagrin, de honte, parfois. Et la personne est amenée à trouver un autre contexte où là, elle dit, bon, alors d'accord, je vis à nouveau, j'accepte la réalité. Donc, à chaque fois, le thérapeute cherche, mais où est-ce que ce patient est bloqué? Alors, ce qui est quand même spectaculaire, et on revient sur un des points qui a été noté par Marie Daquet, c'est la vitesse. C'est-à-dire le fait que ça puisse agir vite. On est habitué à ce que tous les processus de psychothérapie soient plutôt longs, voire très longs, comme avec la psychanalyse. Et là, on a la sensation qu'il y a une possibilité de résultat presque immédiat. Il y a tellement de souffrance du corps qui est blessé par une addiction, par une douleur fantôme. Il y a tellement de souffrance que, comme disait Marcel Chatel tout à l'heure, le patient qui vient de lui-même, il est prêt à tomber dans l'eau, il est prêt à y aller, il est au bord. Et il attend enfin que quelqu'un puisse l'entendre, le comprendre, le connaître, être approché par... Et qu'il donne le mot clé ou l'image clé qui va... Il attend depuis parfois 10 ans, 20 ans qu'il y ait cette possibilité-là de dire « Ok, je me laisse tomber dans ce nouveau contexte ». Et tellement qu'on se demande mais comment l'hypnose a pu disparaître, j'allais dire, de l'arsenal thérapeutique, tellement c'est la réponse adaptée à tellement de souffrances. Et le patient, lorsqu'il est prêt, eh bien, la bascule peut se faire le jour même. Et justement, quelle est la réponse à cette question de la disparition de l'hypnose? Eh bien, c'est un changement de contexte. La disparition de... Non, ça c'est pour la thérapie, c'est le changement de contexte. La disparition de l'hypnose, c'est que ça irrite beaucoup, ça énerve. C'est-à-dire que comme ça énerve... C'est une bonne parce raison. Qu'il y a quelque chose ça qui énerve qui? Voilà. Eh bien, comme ça n'est pas dans le pôle « je maîtrise, je contrôle, je comprends, j'analyse ». C'est dans le pôle aléatoire, incertain, ça dépend du patient, ça dépend du thérapeute, ça dépend du moment. Ça énerve. Alors que la science, elle dit, attendez, moi je ne veux pas du particulier, veux du général. Vous ne pourrez pas faire l'économie de nous dire qui cela énerve. Eh bien, ça énerve tous ceux qui ont envie d'un protocole établi, qui marche avec tout le monde, d'une ligne qui soit affirmée, prouvée, décryptée. Et c'est pénible. Et je crois, par exemple, il y a une phrase magnifique de Freud qui a dit, j'en ai assez que les patients disent, ah mais je ne dors pas. Ah mais non, ça fait rien sur moi. Ah mais je comprends pas, je dois pas être réactif à l'hypnose. J'en ai marre, dit-il, et il a cherché à mettre au point quelque chose qui marche tout le temps. Et quelque chose qui marche tout le temps, ça va pas avec les humains. Et donc il a inventé une thérapie. Eh bien à chaque fois que quelqu'un se plonge dans l'hypnose, s'il supporte pas le vide, le silence et le mystère d'une certaine manière, eh bien il risque de l'abandonner tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir un protocole toujours le même, figé. Mais les humains sont pas comme ça. Marcel Chatel. Même question. Même question. Ça énerve qui? Ça dépend dans quel domaine. Il y a un domaine où ça n'énerve pas, c'est le domaine de la douleur et de l'anesthésie. Et dans le domaine de l'anesthésie, l'effet est encore plus immédiat puisqu'il est pratiquement lors du geste opératoire et n'a plus de conscience après. C'est tout de même le même processus hypnotique dans l'intégration, cette fois-là, de la douleur. Pas de l'identité de la personne vis-à-vis d'elle-même et de sa souffrance existentielle, mais vis-à-vis d'une douleur au sens propre. Et je pense ça montre aussi le spectre très très large, c'est-à-dire que c'est complètement différent. Mais l'hypnose est une fonction cérébrale. C'est un état, mais c'est une fonction cérébrale. C'est entre les deux. Et cette fonction cérébrale, depuis des millénaires, elle est mise en jeu, puisqu'elle est naturellement, elle appartient à l'espèce. Donc elle va se retrouver dans diverses modalités. C'est ce qui crée le lien entre l'hypnose psychothérapeutique, l'hypnose d'hypnosédation ou d'hypnoanalgésie, et de la méditation, du zen, du tai chi, du qigong. Il y a une sorte de continuité. Mais la continuité n'est pas dans la manifestation, dans la particularité, je dirais, de l'application. Il est essentiellement dans la fonction cérébrale, qui est une fonction, la fonction d'hypnose. Marie Dalquier. Oui, Marcel Châtel, je m'interrogeais, puisque vous avez des preuves d'une certaine manière, puisque vous avez des IRM, vous travaillez sur, vous êtes aussi dans l'expérimental, du coup, comment c'est reçu, puisqu'aujourd'hui, vous faites évoluer l'hypnose avec des preuves scientifiques, comment c'est reçu aujourd'hui, alors, dans le milieu médical dans le milieu médical, c'est de plus en plus ouvert, et pour ne parler que de l'environnement qui m'entoure, c'est la Pitié Salpêtrière. Il a tout un programme de pathologie, ou non pas de pathologie, mais de prise en charge des pathologies par les médecines complémentaires, dont l'hypnose. Elle s'intègre. Et il y a des services qui l'ont intégré dans l'ensemble de la prise en charge du soin. L'hypnose en tant que telle, surtout dans le domaine de l'hypnosédation et de la douleur liée aux soins, est très pratiquée. Dans les soins palliatifs, elle est très utilisée. Non, elle s'intègre progressivement de façon discrète, mais elle s'intègre et elle est accueillie avec un regard de curiosité, mais plutôt de bienveillance. Eh bien, ce seront sur ces mots très optimistes, très positifs, on va dire, de Marcel Châtel que nous allons terminer ce débat de Science Publique. Merci à Jean-Marc Benayem, Marcel Châtel donc, et Marie Dalquier d'y avoir participé. Sur le site de Science Publique, vous trouverez des liens concernant l'hypnose ainsi que les références de livres, dont ceux de Jean-Marc Benayem, dont le dernier, le guide de l'hypnose, vient d'être édité aux éditions Impress. Bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. Il s'agissait donc de la dernière émission de Science Publique avant la rentrée. Nous vous souhaitons donc d'excellentes vacances à l'écoute de la grille d'été de France Culture. Et nous vous donnons rendez-vous le 31 août pour la reprise des émissions de Culture Science et le 4 septembre pour nous retrouver dans Science Publique. Science Publique, Dany Journeau, Manuel Couturier, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture. Within you.